Baila Morena de Zucchero sur RGM, un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 25 septembre 1943, naissance de Lee Hacker, acteur américain connu pour avoir incarné le jeune caporal Rusty dans la série télé Rintintin. 1944, naissance de Michael Douglas, acteur américain vu dans La poursuite du diamant vert et Le diamant du Nil dans le rôle de Jake Colton. Liaison fatale, Wall Street dans le rôle de Gordon Gekko qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. En 2010, il a repris ce rôle dans Wall Street, l'argent ne dort jamais. Vu aussi dans Basic Instinct dans le rôle du détective Nick Curran, The Game, Traffic dans le rôle du juge Robert Wakefield, Ant-Man, Ant-Man et la guêpe dans le rôle du docteur Hank Pym. Il reprendra ce rôle d'ailleurs dans Avengers 4, sortie prévue pour 2019. Il a produit Vol au-dessus d'un nid de coucou, récompensé par l'Oscar du meilleur film, À la poursuite du diamant vert et Le diamant du Nil, et vu dans la série télé Will et Grace. 1950, naissance de Philippe Pétieux, acteur de doublage français connu pour être la voix française d'Homer Simpson dans la série animée hein, Les Simpsons. 1951, naissance de Mark Hamill, acteur américain connu pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, Star Wars épisode 6, Le retour du Jedi, Star Wars 7, Le réveil de la force, Star Wars épisode 8, Les derniers Jedi, et il reprendra ce rôle dans Star Wars 9, sortie prévue en 2019. Vu également dans Le village des damnés et dans les séries Chuck, Esprit criminel ou encore The Flash. 1955, naissance de Zucchero, chanteur italien. 1957, naissance de Michael Madsen, acteur américain, vu dans Thelma et Louise, Reservoir Dogs dans le rôle de Vic Vega, alias Blonde, dans Sauver Willy 1 et 2 dans le rôle de Glenn Greenwood, dans Guet-apens, La Mutante 1 et 2 dans le rôle de Preston Lennox, Meurt un autre jour dans le rôle de Damian Falco, Kill Bill volume 1 et volume 2 dans le rôle de Bud, dans Sin City et apparu dans les séries Les Experts Miami, 24 heures chrono, Blue Bloods ou encore Hawaii 5-0. 1961, naissance d'Heather Lockhart, actrice américaine vue au cinéma dans Scary Movie 5, connue pour ses rôles à la télévision dans Dynasty dans le rôle de Samantha, Josephine Dean Rhys-Carrington Falmont, la série Hooker dans le rôle de l'officier Stacy Sheridan, Melrose Place dans le rôle d'Amanda Woodward, ainsi que dans Melrose Place Nouvelle Génération. Vu aussi dans Spin City dans le rôle de Caitlin Moore, L'Axe dans le rôle d'Harley Rondon ou encore Franklin and Bash dans le rôle de Rachel Rose King. 1965, naissance d'Anne Romanoff, humoriste française. 1966, naissance de Jason Fleming, acteur britannique vu dans Beauté volée, Spice World, le film Le Transporteur 2 dans le rôle de Dimitri, L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Thomas Button, Le choc des titans dans le rôle de Calibos Ali, alias Acrisius, ou encore X-Men Le Commencement dans le rôle d'Azazel. 1968, naissance de Will Smith, acteur chanteur américain connu pour son rôle de l'inspecteur Mike Lowry dans Bad Boys 1 et 2, son rôle du capitaine Steven Hiller dans Independence Day, son rôle de l'officier James Darrell Edwards alias l'agent J dans Men in Black 1, 2 et 3, vu dans Ennemi d'État, Wild Wild West dans le rôle de James West, dans Ali dans le rôle de Mohamed Ali, dans iRobot, Hitch, expert en séduction dans le rôle d'Alex Hitchens alias Hitch, À la recherche du bonheur dans le rôle de Chris Gardner, Je suis une légende dans le rôle de Robert Neville, Hancock dans le rôle d'Hancock, After Earth dans le rôle de Cipher Rage, Suicide Squad dans le rôle de Deadshot alias Flood Layton, Beauté cachée dans le rôle de Lord Inlet et bien évidemment connu à la télévision pour son rôle de William Smith dans la série Le Prince de Bel-Air. 1969, naissance de Catherine Zeta-Jones, actrice britannique vue dans Christophe Colomb la découverte, Le Masque de Zorro ainsi que la suite La Légende de Zorro dans le rôle d'Elena de la Vega, Haute Voltige, Traffic dans le rôle d'Elena Ayala, Chicago dans le rôle de Velma Kelly, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, vue également dans Intolérable Cruauté ou encore Ocean's 12 dans le rôle d'Isabelle Lahiri. 1970, naissance de Jean-François Piège, chef cuisinier français. 1977, naissance de Joel Moore, acteur américain, vu dans Dodgeball, même pas mal, Avatar, dans le rôle de Norm Spellman. Il reprendra d'ailleurs ce rôle dans Avatar 2, sortie prévue pour 2020. Vu dans la série Boston Public, dans le rôle d'Art Zell, dans L'Axe, dans le rôle d'Eddie Carson, dans Bones, dans le rôle de Colin Fisher, Medium ou encore Hawaii 5-0. 1980, naissance de T.I., chanteur américain. 1981, naissance de Van Hensis, acteur américain, connu pour son rôle de Luke Grimaldi Snyder dans la série télé As the World Turns. 1983, naissance de Donald Glover, acteur humoriste américain, vu dans Seul sur Mars dans le rôle de Rich Purnell, Magic Mike XXL dans le rôle d'André, dans Spider-Man Homecoming dans le rôle d'Aaron Davis alias Le Rodeur, et plus récemment dans Solo A Star Wars Story. 1991, naissance d'Amy Clark, actrice américaine connue pour son rôle de Julie Tiger dans la série télé Monk. 1992, naissance d'Anthony Sonigo, acteur français vu dans Les Beaux Gosses, L'Immortel ou encore Les Infidèles. En 1849, décédé Johann Strauss, père, compositeur autrichien, connu pour ses célèbres valses. En 1980, décédé John Bonham, batteur britannique du groupe Led Zeppelin, dont on va écouter tout de suite un extrait du titre Cachemire. Voilà pour l'extrait de Led Zeppelin. Et en 2008, décédé Michel Modo, acteur humoriste français connu pour son rôle de Berlico dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie, Le Gendarme en balade, Le Gendarme et les extraterrestres, pardon, et Le Gendarme et les Gendarmettes. Vu également dans Le Corneau, La Grande Vadrouille, on a retrouvé la 7e compagnie et il a interprété le rôle du facteur dans La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Allez, petite pause musicale avec Will Smith et le titre Men in Black. Black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. And tonight on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a silver noise. poison cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, semi-fiends freezing up all black. Yes, therefore, men in black, and the men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Men in Black de Will Smith sur le 107 FM, presque 8h49 et on fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera une belle journée ensoleillée avec des températures fraîches hein, ce matin. Elles sont comprises entre 4 et 6 degrés. Cet après-midi, on aura des températures comprises entre 15 et 17 degrés. Pour mercredi, du soleil, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Jeudi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés, prévues pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle judo avec les championnats du monde et deux nouvelles médailles pour l'équipe de France. La première médaille d'argent pour Marie-Ève Gaillet et médaille de bronze pour Axel Clergy. Un mot de basket avec ce soir au championnat du monde féminin France-Canada. Je vous rappelle que l'équipe de France joue la première place de son groupe. Et du côté de chez nous en National 1, le Jet Vosges reçoit l'équipe de Furs. Un mot de tennis avec le tournoi de Shenzhen hier, la qualification d'Herbert en 2-7, 6-4, 6-3 face à Lajovic. Pas de français sur les cours aujourd'hui. À Chengdu, aujourd'hui, mon fils affronte Harris. À Wuhan, hier, l'élimination d'Alizé Cornet en 2-7 face à Strikova, 6-3, 6-2. Caroline Garcia affronte aujourd'hui Siniakova. Et à Tashkent, hier, Ferro s'est qualifié en 3-7 face à Fett, 1-6, 7-6, 6-1. Pas de français sur les cours aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît la surface sur laquelle sera disputée la finale de la Coupe Davis fin novembre. Ce sera sur la terre battue. Des nouvelles de Joe Wilfried Tsonga qui décidément enchaîne les mésaventures. Il est de nouveau blessé. Il souffre d'une déchirure abdominale. On termine cette page sport avec du football et on va commencer avec les trophées FIFA 2018. La cérémonie a eu lieu hier soir. L'entraîneur de l'année est Didier Deschamps. Le joueur de l'année est le Croate Luka Modric. Dans l'équipe type de l'année figurent trois Français, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Raphaël Varane, aux côtés de DGA, Dani Alves, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Hazard, Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Meilleur gardien, Thibaut Courtois, prix Puskas pour Mohamed Salah. Et en football féminin, le prix de l'entraîneur a été remis à l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Reynald Pedros. Voilà donc pour les récompenses hier soir. Il y a de la Ligue 1 ce soir avec Monaco, Angers, Nantes, Nice et Toulouse, Saint-Étienne. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur T.I. en duo avec Rihanna sur le titre Live Your Life. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to him, baby girl. You're gonna hey. Be shining star, fancy clothes, fancy car, let me see. You're gonna go far, cause everyone knows who you are. Rihanna, let's get it. So live your life. Hey. Say ignore them till they fade away. Amazing they ungrateful. But after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. You'd still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, homage I think they should pay. Instead of being gracious they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make away. Not move away cause they afraid. I brought back to the hood and all you ever did was take away. I pray for patience but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. You're gonna be shining star, that's right. Of a hustler and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate but still a grabber by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler till. If that don't work and all us fast, then turn around and follow till. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're pissed poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Everybody watching what I do, come walk in my shoes and see the way I'm living if you really want to. Got my mind on my money and I'm not going away. Et Rihanna sur RGM pile 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h durablement vaut, 13h30 la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia, 16h rediffusion de Débat Déo, 20h La Parole est à vous avec Michel, 22h Jimmy Je vous le lis avec Dominique, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.